l'opaline. Un ciel immense me dessine. Dans un tourbillon qui m'égare, l'étincelle de ton regard. La nuit tombe sur la plaine, bientôt la lune sera pleine. Un tour d'horloge sans tes bras, c'est fou, tu me manques déjà. Un jour sans toi reste sans fin. Petit tour et puis s'en vont. Les araignées de mon plafond, pour seule compagnie ce soir, sont plutôt chagrin qu'espoir. Dans le salon, les chaises vides me semblent moqueuses et perfides. Et ta photo qui me sourit ravive la mélancolie. Un jour sans toi reste sans fin. Vivement demain que l'on se revoit. Un jour sans toi reste sans vivement demain que l'on se revoit. Un jour sans toi reste sans fin. Que l'on